bible pou te wale. Le konan tou pre pou chavire. E fomi, zomi pa ka fe anye. La ye kon ombra Jezi. Oh, même les problèmes faire sentir ou pas. Tout est mieux, a pris un temps. Mettez tes genoux à terre, moi. Délivrance pas tout loin. See you.